work, work. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight bull, she take that. Put in overtime on your body. Soyez tous les bienvenus sur Skyrock, il est 6h du mat, on est parti pour le morning rap et R&B. J'espère que tout le monde va bien, on est très content d'être là d'ailleurs, hein, de venir attaquer, c'est très tôt pour nous, mais c'est très tôt pour vous aussi. D'ailleurs on fait une grosse dédicace à ceux qui se lèvent à l'heure actuelle pour aller bosser là, en ce jeudi matin. On est parti donc pour une matinée ensemble, il y a la roulette qui va tourner tout à l'heure, il y a l'horoscope de l'amour aussi qui va tourner tout à l'heure, promis, avant 7h du mat, ça va tomber pour vous. On va se faire un petit point sur l'info aussi, il y a Jules qui est déjà là, il est installé. Ouais, salut Stéphane, salut à tous. Il est paré pour faire un petit point sur l'info, faire un petit point aussi sur la météo pour aujourd'hui, sur les indices de pollution. Il y a Ken Jones sur Skyrock qui débarque juste après l'actu de Jules. Ken Jones avec Don't Mind sur Skyrock dans le morning rap R&B. Et c'est parti pour la météo, les indices de pollution. Ouais, bah c'est pas mal hein, ce matin. Du soleil sur la majorité de la France, toujours quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des Pays de la Loire à la Haute-Normandie. Cet après-midi, ça va s'améliorer. Toujours du soleil sur tout le pays et quelques nuages qui laisseront s'échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Strasbourg et Paris, 18 à Brest et Lyon et 22 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Caen et Nancy, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va. Aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Reims, 4 à Nantes et 5 à Toulon. Ken Jones, Black M et le nouveau Lil Wayne pour attaquer l'émission après 6h. Plus de 2500 hectares touchés par des incendies à Marseille, 1800 pompiers mobilisés. Poussés par les vents violents, ils se dirigent aux portes de la cité phocéenne. Environ 1000 personnes ont dû être évacuées. On parle d'un feu hors de contrôle qui brûle tout sur son passage. Cette nuit, les conditions devenaient apparemment plus favorables malgré un vent violent. Les incendies ont fait 2 blessés. Dans l'Hérault, 200 hectares sont partis en fumée près de Béziers. 4 pompiers ont été blessés. L'île de Madère au Portugal, touchée elle aussi par des incendies hier. Les feux de forêt continuent de faire rage dans le nord du territoire. Le Portugal a demandé de l'aide à l'Europe. Un Canadair italien est arrivé en renfort. 2700 pompiers sont mobilisés. Les incendies ont déjà fait 3 morts et entraîné l'évacuation de 1000 personnes. Un homme en garde à vue à Toulouse suite à l'assassinat du père Hamel. Le suspect aurait été en contact avec les terroristes via la messagerie Telegram. Il aurait même effectué un aller-retour entre Saint-Étienne-du-Rouvray, lieu de l'attentat, et Toulouse, 2 jours avant l'attaque. Il est interrogé par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste. Une journée sans médailles hier à Rio. Avant-hier, les Bleus avaient remporté 5 médailles. Hier, c'était beaucoup plus décevant. La déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour

sleep all day. Gonna pack it up, pick it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find a mission. Some new epic, yeah. C'est le son de Tal sur Skyrock. Elle est de retour avec un troisième album. Il va sortir à la rentrée, l'album de Tal. Are We Awake dans le morning rap et R&B sur Skyrock. On va s'écouter du son ce matin, histoire de bien attaquer la journée sur Skyrock, avant de retrouver l'horoscope de l'amour, la roulette aussi qui va tourner ce matin. Le mec le plus chaud de France en ce moment, c'est Soprano avec En Feu sur Skyrock. Allez, Soprano en feu qui arrive, Sean Paul aussi, Alonso, on se fait un petit point sur l'info maintenant. Et on va attaquer directement avec la météo et les indices de pollution, Jules. Ouais, bah c'est pas mal hein, ce matin, hein, du soleil sur la majorité de la France, toujours quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des Pays de la Loire à la Haute-Normandie. Cet après-midi, c'est mieux, toujours du soleil sur tout le pays, mais encore quelques nuages qui laisseront quand même s'échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Mulhouse et Paris, 18 à Rennes et Lyon et 22 à Nîmes. Cet après-midi, elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Lorient et Dijon, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Bayonne et 5 à Toulon. On est jeudi matin, il est 6h30, bon début de journée, on se fait un point sur l'actu maintenant. Un millier de personnes évacuées à Vitrolles, des incendies ont lieu à Marseille depuis hier suite à la sécheresse et au vent violent, ils se poursuivent ce matin. 1800 pompiers sont mobilisés, les Canadairs reprendront du service dans la matinée. On parle d'un feu hors de contrôle dans l'Hérault. 200 hectares sont partis en fumée hier près de Béziers, 4 pompiers ont été blessés. La Californie envahie elle aussi par les flammes à cause de la sécheresse. La ville de San Bernardino est envahie par le feu. Depuis dimanche, 900 pompiers sont mobilisés. Plus de 3000 hectares ont été ravagés. Par mesure de sécurité, 5000 familles ont été évacuées et plusieurs routes coupées. Pas de médaille hier à Rio. Avant-hier, les Bleus en avaient remporté 5. Hier, rien. La déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour de Jevriz Eman en judo, triple championne du monde, sortie dès le premier tour. Pas de médaille non plus en escrime. Ni en rugby à 7 où les Français ont perdu contre le Japon en quart de finale. Bonne nouvelle en basket, les coéquipiers de Tony Parker ont gagné 76-75 face à la Serbie. S'ils vont en demi-finale, les Bleus pourraient rencontrer directement les États-Unis. Après l'incendie dans un bar à Rouen lors d'une fête d'anniversaire il y a quelques jours qui a fait 13 morts, sachez qu'une marche blanche est organisée aujourd'hui à Rouen à 17h45. Et on termine avec une info mercato, une info foot. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, devient fou. Voilà, de nombreuses offres sont faites par Arsenal pour tenter d'attirer son buteur français, Alexandre Lacazette. Mais rien n'y fait, Aulas ne veut pas qu'il parte. En tout cas, il a répondu aux Gunners. Lacazette, c'est 70 millions d'euros ou rien. Il est fou, Aulas. Et il est taré. C'est vrai que le mec, il prend son taf à cœur, Jean-Michel Aulas. Ouais. Franchement, ça, le mec, pas il rigole pas, quoi. Bon, bah, très bien, tu reviens tout à l'heure, toi, à partir de 7h du mat, Jules. Ouais, à toutes. Ok, vous soyez tous les bienvenus sur Skyrock. On passe la matinée ensemble. Le morning rap et R&B sur Skyrock. Le morning qui se poursuit. Il y a l'horoscope de l'amour aussi qui va débarquer. Votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5 pour ce matin. Ça dit quoi? Bah, restez à l'écoute de Skyrock. Promis, c'est dans quelques minutes, là. Maintenant, il y a Drake et Rihanna qui qu'on écoute tout de suite avec Too Good, tous les deux sur le même morceau à 6h32 sur Skyrock. Drake, Rihanna et puis Soprano comme promis avec En Feu sur Skyrock. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you'll see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as the expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it.

papa, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable. Elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi, tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi, tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là, t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là, t'as pris un aller sans retour. C'est le son de Alonso sur Skyrock en ce jeudi matin. J'espère bon pour vous. Il est 6h45. Bon début de journée tout le monde. Courage à ceux qui se lèvent là pour aller bosser par exemple. Ben, nous on est là sur Skyrock avec vous, avec plein de sons à s'écouter, avec la roulette qui va tourner, avec le son de Drake qui arrive, le son de Jul aussi, avec émotion sur Skyrock. Et puis là on va se faire un petit point sur notre puissance amoureuse. Ben ouais, c'est parti, c'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour sur Skyrock, c'est votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Alors ça dit quoi pour aujourd'hui, pour ce 11 août? Alors c'est 0 sur 5 pour les Gémeaux et les Scorpions. Comme il est impossible de rester planqué aujourd'hui, le conseil c'est de faire le dos rond et d'affronter ce jeudi qui s'annonce compliqué. 1 sur 5 pour les Cancers et les Poissons. La fin de semaine se montre difficile, mais on aura à cœur de faire briller nos qualités. 2 sur 5 pour les Lions et les Sagittaires. Comme dirait Caris, vu d'en bas c'est une montagne, mais d'en haut ça sera qu'une descente. Vaut mieux positiver, vous avez raison, vous êtes à mi-chemin d'une journée pleine d'espoir. 3 sur 5 pour les Balances et les Capricornes. Vous avez connu pire, un début de journée positif mais qui devrait tourner rapidement au vinaigre en approchant l'heure des happy hour, la fin d'après-midi, avec modération bien sûr. 4 sur 5 pour les Béliers et les Taureaux. Les voyants clignotent au vert, profitez-en pour boucler les dossiers restés en stand-by pendant vos périodes de vaches maigres. 5 sur 5 pour les Vierges et les Verseaux. Il est vraiment magnifique ce jeudi, c'est comme on les aime, tout ce que vous touchez devrait se transformer en or. Le son sur Skyrock, après cet horoscope de l'amour, j'espère bon pour vous d'ailleurs, il est 6h47, on va se faire du son sur Skyrock avec Drake, maintenant Drake, le carton de Drake, avec One Dead sur Skyrock et le son marseillais de Jul. D'ailleurs, on va faire une grosse dédicace à tous les sudistes qui nous écoutent, ils ont passé une nuit compliquée. Bon, dédicace à vous dans le sud-est. Il y a Jul avec émotion sur Skyrock qui arrive juste après le son de Drake sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting.

Le son de Jules sur Skyrock dans le morning rappeur R&B Jules avec émotion, c'est un des titres que vous retrouvez sur le projet de Jules que vous avez découvert durant cette saison de Planète Rap avec Fred entre 20h et 21h. Planète Rap, la reprise, c'est le 22 août, c'est dans un petit peu plus de 10 jours avec comme invité Maître Gims, le premier invité de cette saison de Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. Allez, bonne matinée à tous, il est 6h53. On est très content d'être là en direct avec vous sur Skyrock. On attaque la journée. D'ailleurs, gros big up à ceux qui bossent là d'ores et déjà, ceux qui se lèvent aussi pour aller bosser aujourd'hui en ce jeudi matin, en ce 11 août. Le son sur Skyrock, c'est lui, c'est Nekfeu qui arrive. Nekfeu et Escrew, le collectif de rappeurs parisiens. Et c'est pas tout, il y a Rihanna aussi. La voix de Rihanna sur un son de Calvin Harris. Mais bon début de journée à tous. Il est 6h54, le morning rap R&B sur Skyrock, ça se poursuit. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Grande colonne. Temple romain. Dressing extensible. Grand rangement. Largeur personnalisable. Prix optimisé. 69,90€. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Dressing avec rideau composé d'une colonne, de quatre étagères, d'un tiroir et d'un espace penderie à seulement 69,90€. Arrivage en quantité limitée à partir du vendredi 12 août dès 7h. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Ouverture exceptionnelle le lundi 15 août dès 8h, hors dépôt Alsace-Moselle. It's the morning. The morning. Morning. The morning. Le morning rappé R&B. Wake up. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.

pluie. Cet après-midi, elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Caen et Nancy, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Reims, 4 à Nantes et 5 à Toulon. Il est 7h03 sur Skyrock, c'est le morning rap et R&B, on y va maintenant avec l'actu. Plus de 2500 hectares touchés par des incendies à Marseille, à Vitrolles, des habitations ont été touchées, environ 1000 personnes ont dû être évacuées, 1800 pompiers sont mobilisés, poussés par les vents violents, ils se dirigent aux portes de la cité phocéenne. On parle d'un feu hors de contrôle qui brûle tout sur son passage. Cette nuit, les conditions devenaient apparemment plus favorables malgré un vent violent. Pas de victimes à déplorer selon le maire de la commune de Vitrolles. Des personnes ont pu dormir dans des gymnases mis à disposition. Dans l'Hérault, 200 hectares sont partis en fumée près de Béziers. 4 pompiers ont été blessés. Et si vous êtes dans le secteur de Marseille, sachez que la circulation sur la A8 a été rétablie partiellement. On vous recommande toujours quand même d'éviter le secteur de Marseille. La A7 serait toujours coupée. Privilégiez la 55 dans le sens Lyon-Marseille. Du côté des trains, il circule normalement. Pareil pour les vols à l'aéroport Marignane. L'île de Madère au Portugal, touchée elle aussi par des incendies hier. Les feux de forêt continuent de faire rage dans le nord du territoire. Le Portugal a demandé de l'aide à l'Europe. 2700 pompiers mobilisés. Les incendies ont déjà fait 3 morts et entraîné l'évacuation de 1000 personnes. Pas de médaille hier à Rio. La déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour de Jevriz Eman en judo. Triple championne du monde, elle est sortie directement. L'autre point noir en escrime et en rugby à 7, sortie par le Japon en quart de finale. La bonne nouvelle, il y en a. Eh ben, elle est en basket. Les coéquipiers de Tony Parker ont gagné 76-75 face à la Serbie. Et il y en a même une deuxième en handball. Les filles se sont baladées contre l'Argentine. Victoire 27-11. Et on termine avec les chances de médaille. Aujourd'hui, côté français, il y a de l'aviron tout l'après-midi de 13h à 17h, du canoë kayak à 17h30 en slalom et puis du cyclisme sur piste, de la natation avec les séries du 50 mètres nage libre et le 100 mètres papillon. Handball aussi, les experts ce soir à 2h50 contre l'Argentine. Ok, merci Julie, il nous faut des médailles aujourd'hui. Ah, il nous en faut. Parce que hier, ça va, c'était frêle. On a fait zéro médaille, je crois. Zéro médaille hier, ouais. Bon, aujourd'hui, on est à 6. Il faut plein de médailles du côté de Rio en 2016. Moi, je vais faire une grosse dédicace à tous ceux qui sont en train de nous écouter là et qui se réveillent, qui attaquent la journée avec nous. Tiens, je vais faire une dédicace à Constant là qui est en train de nous écouter. Il y a le petit JC aussi qui fait une grosse dédicace à tous les chauffeurs livreurs qui bossent là. Big up, ouais, bah big up là si vous bossez à l'heure actuelle. Merci d'être là sur Skyrock. Il est 7h05. C'est le morning rappé R&B sur Skyrock. Je vous parlais de la roulette. Et bah, elle va tourner promis ce matin. La roulette et du son à s'écouter. On attaque la journée classement avec Major Lazer, Justin Bieber sur le titre. C'est Cold Water sur Skyrock. Comme le son de Shy qui arrive. Sometimes you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. To

DJ Snake avec Justin Bieber. Let me love you sur Skyrock. Il y a Vita et Jules aussi qui arrivent dans quelques instants sur Skyrock. Et là c'est Jules qu'on retrouve pour les infos. C'est parti pour l'actu maintenant. Et on va faire un petit point sur la météo et les indices de pollution pour aujourd'hui. Ouais, bah c'est pas mal ce matin, du soleil sur la majorité de la France, toujours quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des Pays de la Loire à la Haute-Normandie. Cet après-midi c'est mieux, toujours du soleil sur tout le pays, mais encore quelques nuages qui laisseront quand même s'échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Mulhouse et Paris, 18 à Rennes et Lyon et 22 à Nîmes. Cet après-midi elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Lorient et Dijon, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Bayonne et 5 à Toulon. Il est 7h30 sur Skyrock, bon début de journée, il y a DJ Snake qui arrive, Vita Jules de prévu juste après l'actu maintenant. Un millier de personnes évacuées à Vitrolles, des incendies ont lieu à Marseille depuis hier suite à la sécheresse et au vent violent, ils se poursuivent ce matin. 1800 pompiers sont mobilisés, des pompiers de toute la France ont été appelés en renfort, on parle d'un feu hors de contrôle, plus de 2000 hectares de garrigues et de pinettes dans les Bouches-du-Rhône, 5 canadaires devraient reprendre du service ce matin. Dans l'Hérault, 200 hectares sont partis en fumée hier près de Béziers. 4 pompiers ont été blessés. Et si vous êtes dans le secteur de Marseille, hein, sachez que la circulation sur la A8 a été rétablie partiellement, mais on vous recommande vraiment de toujours éviter le secteur de Marseille. Du côté des trains, ils circulent normalement. Pareil pour les vols à l'aéroport Marignane. La Californie envahie elle aussi par les flammes à cause de la sécheresse. La ville de San Bernardino est envahie par le feu. Depuis dimanche, 900 pompiers sont mobilisés. Plus de 3000 hectares ont été ravagés. Par mesure de sécurité, 5000 familles ont été évacuées et plusieurs routes coupées. Pas de médaille hier à Rio. Avant-hier, les Bleus en avaient remporté 5. Hier, rien. La déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour de Jevrise Eman en judo. Triple championne du monde, elle est sortie directement. Pas de médaille non plus en escrime ni en rugby à 7 où les Français ont perdu contre le Japon en quart de finale. Le programme aujourd'hui côté français, il y a de l'aviron toute l'après-midi de 13h à 17h, du canoë-kayak à 17h30 en slalom et puis du cyclisme sur piste et de la natation avec les séries du 50 mètres nage libre avec Florent Manodou. Grosse chance de médaille. Et on termine avec une info mercato. Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, devient fou. Voilà, de nombreuses offres ont été faites par Arsenal pour tenter d'attirer le buteur français Alexandre Lacazette, mais rien n'y fait. Aulas ne veut pas qu'il parte. En tout cas, il a répondu aux Gunners. Si Lacazette veut partir, ce sera 70 millions d'euros ou rien. Mais il a bien raison, tant qu'à faire, gagner de l'argent avec ses joueurs. Il a raison. Quoi que je t'en dis, les mérites, peut-être. Je pense 70 millions, c'est pas excessif pour un transfert. Enfin, c'est pas excessif. Bah, au niveau du marché d'aujourd'hui, on va dire que non. De toute façon, c'est celui qui met le plus qui l'aura. De tout. C'est comme dans tout. C'est okay. Ça. Business is business. Eh ouais. Bon, vas-y, à tout à l'heure, Jules. À tout. Ouais, tu reviens tout à l'heure. Là, il y a DJ Snake maintenant, comme promis, avec la voix de Justin Bieber à 7h31 sur Skyrock. Le nouveau DJ Snake avec Let Me Love You et le son de Vita et de Jules, comme Jay-Z et Alicia Keys aussi, le classique. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Give up.

Wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Merci d'être là, d'attaquer la journée avec nous sur Skyrock. Il est 8h tout pile. Là, c'est Drake qu'on vient de s'écouter sur Skyrock. Drake avec Too Good sur Skyrock. Le morning rap R&B avec la roulette qui va tourner tout à l'heure. Bien, ça vous dit d'attaquer la journée tranquillement ce jeudi matin. On est le 11 août. Vous voulez attaquer la journée en faisant tourner la roulette? Eh ben, y a pas de problème. Hein. Franchement, la roulette, elle va tourner avec à l'intérieur le spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock. Le Whoop, c'est la troupe de Mr. V, entre autres. Hein. Franchement, y a plein de monde sur scène. Franchement, ça déchire, ça vous dit d'y être, spectacle exclusif du Whoop. C'est cadeau pour vous dans la roulette qui va tourner, promis, avant 9h du matin sur Skyrock, avec vous peut-être, le son sur Skyrock. Ce matin. Ah, ça, on l'a déjà, on vient de l'écouter un instant. C'est pas le bon extrait. Non, ce qu'on va écouter tout à l'heure, c'est le son de Justin Timberlake qui arrive avec Can't Stop the Feeling sur Skyrock. J'ai du mal à me réveiller, moi. Je suis pas un mec du matin. Je suis pas un mec du matin. Ouais, ouais, bah, je comprends. Et j'ai un problème de voilà avec les doigts, donc je mets les mauvais extraits. Bon, on est parti pour l'actu. C'est Jules, la voix que vous avez entendue à l'instant, qui fait l'actu. On va attaquer directement avec la météo, les indices de pollution pour aujourd'hui. Ouais, bah c'est pas mal ce matin. Du soleil sur la majorité de la France, toujours quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des Pays de la Loire à la Haute Normandie. Cet après-midi, c'est mieux. Toujours du soleil sur tout le pays et quelques nuages qui laisseront échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Strasbourg et Paris, 18 à Brest et Lyon et 22 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Caen et Nancy, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Reims, 4 à Nantes et 5 à Avignon. Pour le son donc, Justin Timberlake qui arrive, Black M et le nouveau DJ Khaled avec Drake juste après l'actu. Plus de 3000 hectares touchés par des incendies à Marseille, à Vitrolles, des habitations ont été touchées. Environ 1000 personnes ont dû être évacuées. Pas de victimes, c'est la bonne nouvelle. Environ 500 personnes ont pu dormir dans des gymnases cette nuit. 1800 pompiers sont mobilisés. 90 d'Île-de-France sont sur la route pour rejoindre les Bouches-du-Rhône. La plupart des incendies commencent à être maîtrisés. Cette nuit, les conditions devenaient apparemment plus favorables malgré un vent violent. Dans l'Hérault, 200 hectares sont partis en fumée près de Béziers. 4 pompiers ont été blessés. Et si vous êtes dans les alentours de Marseille, sachez que les transports aériens et routiers ont progressivement repris. La circulation sur la A8 partiellement rétablie. Encore une portion de la A7 est fermée. Celle entre 7M et Vitrolles. On vous conseille d'éviter les grands axes. L'île de Madère au Portugal, touchée elle aussi par des incendies hier. Les feux de forêt continuent de faire rage dans le nord du territoire. Le Portugal a demandé de l'aide à l'Europe. 2700 pompiers mobilisés. Les incendies ont déjà fait 3 morts et entraîné l'évacuation de 1000 personnes. Dure journée pour les Français hier à Rio. 0 médaille. Les claques se sont enchaînées. Judo, escrime, équitation. Presque tous les sports ont eu le droit à leur déception, sauf en basket. Les coéquipiers de Tony Parker ont gagné 76-75 face à la Serbie. Et en handball, les filles se sont baladées contre l'Argentine, victoire 27-11. Et puis le programme d'aujourd'hui côté français, en espérant voir une médaille, il y a de l'aviron toute l'après-midi de 13h à 17h, du canoë kayak à 17h30 en slalom, du cyclisme sur piste, de la natation avec les séries du 50 mètres nage libre et le 100 mètres papillon. Et on termine avec une info OM. Et ben tous les anciens joueurs de l'OM vont peut-être revenir, en tout cas Marseille. Ça y aimerait faire revenir Tai Taiwo, Rod Fanny et le dernier en date, Romao. Alors on verra et pourquoi pas peut-être un Dimitri Payet une fois, qui sait. Est-ce qu'il reviendrait à l'OM? Ouais, pourquoi pas Gignac aussi. Et ouais, bah voilà. Rayou aussi. Et allez, tous les meilleurs. Ça serait bien. Bah ouais, et bien ça, pourquoi pas. Bah ouais, la Ligue 1 en plus, ça repart demain d'ailleurs. C'est le Paris Saint-Germain qui va inaugurer cette nouvelle saison 2016-2017. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, si vous kiffez le foot, la Ligue 1, il y a plein de places à choper en écoutant Skyrock dans le Morning Rap R&B. On vous offre vos places pour aller mater le match à Bordeaux, à Nice, à Marseille, à Dijon, à Caen, à Montpellier, à Metz et à Nancy. Il y a la roulette aussi qui va tourner avec le Whoop à l'intérieur. D'ailleurs, ça vous dit de faire tourner la roulette. Et les idées maintenant, vous envoyez un petit texto avec le mot roulette que vous envoyez au 72020. On est super content d'attaquer la journée avec vous sur Skyrock. Il est 8h04 et on attaque cette nouvelle heure de son avec DJ Khaled, avec Black M aussi qui va débarquer dans quelques instants, avec Je suis chez moi et puis Justin Timberlake. Maintenant, c'est Can't Stop the Feeling sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home.